Chapitre 12e. La jeune tête, nimbée d'or, avec ses yeux confiants et ses joues rougissantes, traversa plus d'une fois les pensées de Juste André pendant le cours de l'après-midi. Le regard de velours abaissé sur l'enfant d'un jour avec cette expression étrangement douce, à la fois maternelle et virginale, le hantait comme le souvenir d'un rêve qu'il aurait voulu continuer. Marguerite Verneau n'avait rien de la beauté classique des madones. Elle ne possédait pas non plus l'éloquence des muses, et cependant sa vue avait éveillé dans l'esprit du jeune ingénieur mille pensées poétiques et charmantes, souvenirs de ses lectures ou rêves de son imagination. Ses apparitions fugitives le poursuivirent jusqu'au soir, s'effaçant de plus en plus, pourtant jusqu'à ne plus être qu'une image presque insaisissable, à mesure qu'approchait l'heure de son entrevue avec Rose Rosier. Le jeune ingénieur ne se cachait pas qu'avec le caractère bizarre et instable de la comédienne, nul ne pouvait prévoir la fin de leur conversation. Ils allaient peut-être se séparer brouillés pour la vie, par quelqu'une de ces paroles qui ne se pardonnent pas. Peut-être aussi, leurs existences allaient-elles se confondre pour jamais. André ne se reconnaissait de devoir envers personne. Seul dans le monde, il n'avait de compte à rendre qu'à lui-même. S'il lui plaisait d'épouser Rose, de remplacer son existence nomade et troublée par la vie paisible et considérée d'une femme légitime qui trône à son foyer, lui seul était juge et savait qu'il agirait bien ou mal. Quand il avait rêvé de mariage, cependant, autrefois, ce n'était pas sous les traits fins et un peu durs de Rose qu'il avait souhaité de rencontrer la compagne de sa vie, sans se forger de chimères bien définies. Il s'était toujours imaginé l'épouse un peu enfant encore, naïve et tendre, confiante, pleine d'abandon, plus jeune, plus docile que la comédienne. Un peu dans le genre de Madame Langlois, peut-être, qui réalisait pour le docteur le rêve qu'André avait fait pour lui-même. Le destin en avait décidé autrement. Il aimait Rose. L'heure de l'entrevue n'étant plus éloignée, il prit le chemin de la petite maison de la ville basse. Comme il approchait, il vit venir à lui, dans le jour assombri de la ruelle étroite, à ce moment du crépuscule où les objets prennent des formes vagues et indistinctes, une silhouette élégante de jeune femme portant un enfant dans ses bras. Il fit deux pas plus vite avec un étrange battement de cœur. L'apparition qu'il avait hantée tout le jour l'attendait encore au seuil de la demeure de Rose. Il monta rapidement les deux marches du petit perron et tira le cordon de la sonnette. En ce moment, la jeune femme passait, son enfant dans les bras. Elle le regarda d'un air indifférent, puis détourna la tête et continua son chemin. « J'ai la tête à l'envers », pensa Juste en entrant dans la maison dont Florence lui tenait la porte grande ouverte. Il faut que j'aie trop bu ou trop pensé pour qu'une simple image gravée dans mon cerveau par un rayon de soleil survenu dans une chambre sombre me poursuive ainsi jusqu'au soir. Était-ce seulement une image, Monsieur Juste André, ou bien aussi les émotions qu'elle avait suscitées? Il ne se le demanda point et pénétra, très grave, le cœur serré, dans le salon où l'attendait Rose. Plus de fleurs dans les vases ni dans les jardinières. Les étoffes d'Orient, repliées, étaient allées dormir au fond des malles. Le peignoir bleu, garni de moelleuses dentelles, était lui-même remplacé par une robe de laine sombre d'une teinte indécise dans laquelle Rose avait une rigidité de statue. Elle reçut sans aucune des paroles affectueuses, sans le moindre des gestes familiers avec lesquels elle avait coutume de l'accueillir. Elle le salua d'un signe de tête, sans lui tendre la main, et resta droite sur une chaise auprès de la table. La lampe seule brûlait comme à l'ordinaire, et jetait sa paisible clarté sur cet intérieur attristé, qui s'avouait hautement ce soir-là un simple appartement meublé de province. Juste André ne vit pas tout cela du premier coup d'œil, mais il ressentit en entrant une impression pénible, presque douloureuse, qui ajouta encore à la gravité de son maintien. Pour réagir contre lui-même, il essaya de plaisanter. « Plus de fleurs ? » dit-il en souriant. « L'austérité du cloître ?»« Je pars, » répondit-elle simplement, sans le regarder. « Pas sans m'avoir entendu, » répliqua André d'un ton plus sec. Il se sentait froissé de cette hostilité sourde et imméritée. Elle tourna alors les yeux vers lui. Il s'aperçut qu'elle avait pleuré. Toute sa rigueur tomba, et il s'assit près d'elle. Ce qui parfois le repoussait, malgré tout son amour pour Rose, c'était sa froideur voulue, son indifférence à l'expression des bons sentiments. Mais, si elle pleurait, elle redevenait faible et douce. Il l'aimait ainsi plus que jamais. « J'ai beaucoup de choses à vous dire, » commença-t-il d'une voix grave, en étouffant par un grand effort l'émotion qui lui serrait la gorge. « Voulez-vous les écouter dans la sincérité de votre cœur, sans arrière-pensée amère, sans parti pris d'aucune sorte. C'est ainsi qu'il faut les entendre, Madeleine. » Il ne l'appelait plus de son nom de théâtre. Elle le regarda involontairement, et elle vit dans les yeux du jeune homme tant de résolution virile que, domptée, elle baissa la tête. « Je vous écoute, » dit-elle très bas. « Vous valez mieux que vous ne voulez en avoir l'air, » dit André. « Vous seriez bonne si vous étiez heureuse. Ce n'est pas au théâtre que vous trouverez le repos et le bonheur. »« Qu'en savez-vous ? » s'écria-t-elle en relevant son joli visage animé par l'émotion. « Je trouve dans la création de mes rôles de quoi occuper mon esprit et mon cœur. N'est-ce rien de chercher la vérité, de creuser les joies ou les douleurs de ces personnages imaginaires, jusqu'à ce qu'au fond de moi-même je sente quelque chose qui me dise « c'est cela ». Voilà ce qu'elle a senti, cette femme. C'est ainsi qu'il faut dire. C'est ce geste qu'il faut faire. Quand il a trouvé cela, monsieur André, l'artiste peut se reposer. Il peut aussi se sentir fier de lui, car il s'est montré créateur. » Juste la regardait, frappé de son accent sincère. « Oui, » dit-il lentement, « je sais cela, je vous crois. C'est comme artiste que je vous ai aimé d'abord. Je sais quelle force de volonté vous possédez. Vouloir, » murmura Rose. « Oui, je sais vouloir, en vérité, si je savais toujours ce que je veux. Mais, » reprit-il, « cela ne suffit pas à la vie. Un jour viendra où vous serez lassé de vous consumer en passion factice. Pendant que vous êtes jeune et belle, aimez car je vous aime. Ne croyez-vous pas qu'il serait plus sage de renoncer à cette existence mensongère et creuse ?» Elle méditait. Tout à coup, le regardant bien en face, « Quittez le théâtre ?» dit-elle. Il répondit de sa voix grave et calme, « Oui. »« Jamais. » Elle se détourna. La fixité du regard d'André la troublait. Elle sentait cet homme si fort au-dessus d'elle, si dépourvu d'amères pensées et de détours égoïstes, qu'elle avait honte de cette claire conscience. « Ne dites pas jamais, » reprit-il, « c'est sérieux. Et si je vous parle ainsi, moi que vous encouragez si peu, c'est que je vous plains. Je ne veux pas qu'on me plaigne, » dit-elle durement. « Vous avez grand tort. Quand on souffre, on est heureux de trouver près de soi un ami qui ait compassion de vos peines. Le lien que je vous propose, Madeleine, durera autant que nos vies. Votre maîtresse ? » fit-elle en se retournant d'un air de défi hautain. « Non, ma femme. » Elle baissa les yeux pour lui cacher le flot de larmes qui venait d'y monter et lui tendit la main en lui disant « Pardon. »« Vous consentez ? » fit-il en gardant cette main qui tremblait. « Non. » Elle se dégagea, mais sans violence. « Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, » dit-elle. « Nous serions malheureux. » Quand on s'aime, on a tant de plaisir à se faire réciproquement le sacrifice de ses humeurs et de ses goûts, » insista André. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Je n'ai jamais rien vu de semblable. J'ai vu des hommes qui prétendaient dominer les femmes et les traiter en esclaves. J'ai vu des femmes qui se vantaient de traiter comme des chiens les hommes qui les aimaient. Mais cette vie d'abnégation et de sacrifice, je ne l'ai vue nulle part. Les plus longues affections que j'ai connues, les meilleures, se sont éteintes dans les reproches et les larmes. Je ne sais rien de l'amour dont vous parlez. « Vous n'avez jamais aimé ?» fit André. Qu'elle eût aimé ou non, elle ne lui en était pas moins chère, mais il voulait le savoir. Il voulait qu'entre elle et lui régnât une confiance absolue. « Jamais, » répondit Rose. Elle venait de mentir deux fois, mais tout ce qui ressemblait à un aveu, à une confession, lui semblait pire que la mort. L'amour existe pourtant, plus digne et plus dur que tout dans le mariage, tel que le ressent Langlois pour sa femme. Rose eut le courage de laisser dans la main du jeune homme la sienne subitement glacée, mais un frisson douloureux la secoua de la tête aux pieds. « Eh bien, » dit-il après un silence, « voulez-vous m'épouser, vivre calme, heureuse, honorée ? Je ne suis pas très riche, mais je puis le devenir. Outre ma position, j'ai une petite fortune qui me vient d'un bienfaiteur resté inconnu. On dit que je n'ai qu'à travailler, pour obtenir des travaux brillants. J'ai des protections, paraît-il. Pour le reste, Madeleine, je suis aussi dénué de famille, aussi indépendant que vous-même. Personne ne peut blâmer mes actes. » Elle se dégagea et alla s'asseoir plus loin. « Eh bien non, » dit-elle, « non. Pas maintenant, du moins. Vous me troublez avec cette proposition imprévue. Vous voulez que je quitte le théâtre, et il me semble à moi que je ne pourrais pas plus le quitter que cesser de respirer. Ne venez-vous pas de passer une année presque entière loin de tout ce qui vous plaît tant ? J'étais malade, et puis j'espérais y retourner. Écoutez juste. Laissez-moi essayer. Peut-être vous reviendrai-je bientôt, dégoûté de mon ancienne idole, mais il faut que j'essaye. » Vous ne m'aimez pas, fit André, douloureusement blessé. Qu'en sais-je ? Fit-elle avec douleur. J'ai pour vous plus de tendresse que vous ne croyez peut-être. Votre présence m'est bien chère. Mais j'ai vécu dans un milieu si bizarre, si tourmenté. N'exigez pas qu'ainsi, sans réflexion, sans préparation, j'accepte une vie nouvelle. Elle avait raison, absolument raison. La sagesse en personne n'eût pas dit autre chose. Et André se sentit le cœur plus serré que jamais. Avec quelle joie il eût donné toute cette sagesse pour une parole de passion. Il comprenait cruellement que ce mariage auquel il s'était résolu avec tant de mûres réflexions, non sans lutter avec les préjugés que, bon gré, mal gré, nous suçons avec le lait, ce mariage, s'il se faisait jamais, serait pour Rose un mariage de raison. Ah, s'il avait pu la convaincre et l'emporter dans ses bras, comme c'était son rêve la veille encore. « Alors vous allez partir pour Paris ?» lui dit-il d'un air qu'il voulait rendre indifférent. « Oui, demain. Donnez-moi quelques jours de réflexion, pour voir autour de moi, pour me rendre compte. Je ne vous tiendrai pas longtemps en suspens. Voyez-vous, André ?» continua-t-elle en s'animant. « Je hais les situations fausses. Je veux, si je dois être votre femme, la devenir librement. Ici, près de vous, vous voyant tous les jours, je subis votre influence. Je ne m'appartiens pas en entier. » « Soit, dit Juste, après tout, vous ne demandez rien que de parfaitement loyal. » Elle lui sourit en récompense. Ils étaient debout en face l'un de l'autre. Il la prit par les deux mains et la tira à lui d'un mouvement passionné. La tête de la jeune femme s'appuya sur sa poitrine avec un mouvement de confiance caressante. « Je vous aime comme un fou, » lui dit-il à voix basse. « J'ai l'air d'un mentor absurde, d'un grand justicier, d'un maître d'école ridicule. Au fond, je suis plus faible qu'un enfant près de vous, si vous saviez combien je vous aime. » Il posa ses lèvres sur le front blanc, sur les yeux fermés, sur les joues légèrement rosées par l'émotion. Elle s'éloigna doucement. « Rien par surprise, n'est-ce pas, mon ami ? » dit-elle. « Il faut que tout entre nous soit bien voulu, bien pesé. »« Vous êtes plus sage que moi, » dit Juste, enivré par cet accent de confiance. « Eh bien alors, allez-vous-en » fit-elle en riant. « Quand vous reverrai-je ? » demanda le jeune homme, qui retomba sur la terre. « Demain, à 10 heures, au départ du train. »« Quoi ? Pas même ici ? » ?»« Non. » Il n'eut pas moyen de la faire céder sur ce point. André rentra chez lui, le cœur troublé, à la fois joyeux et mécontent. Non, ce n'est pas ainsi qu'il avait rêvé cette heure de fiançailles. Et pourtant, Rose n'avait-elle pas, de tout point, raison ?